Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Un professeur d'histoire géo a été tué, il a été décapité en pleine rue, la tête séparée du corps, l'émotion est immense. Nous le sentons, pourquoi une telle violence? Tout simplement parce qu'il a fait son travail, oui, rien de plus, son travail, transmettre le savoir, éveiller les esprits, éveiller l'esprit critique dans une république laïque. Alors nous consacrons cette semaine à ce que font tous les jours les enseignants, transmettre le savoir, éveiller l'esprit critique. C'est le métier de prof, c'est la fonction que leur confie la république. Cette semaine, le cours de l'histoire s'appuie sur 4 points du programme scolaire pour raconter des histoires d'empire. Oui, c'est le métier de prof. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le professeur a bien préparé son cours, il a lu les programmes scolaires pour la classe de seconde, chapitre 1, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Point de passage et d'ouverture, Constantin, empereur d'un empire qui se christianise et se réorganise territorialement. Le professeur a consulté les livres, les manuels, il a discuté avec ses collègues, alors il a choisi quelques documents, un texte, une image. Il a même élaboré une ingénieuse mise en activité pour que les élèves travaillent en autonomie. Il leur parle du fait religieux, de l'intolérance, de la tolérance. Et puis il est impatient de raconter une anecdote qu'il a mise de côté, histoire d'éveiller l'attention. À la fin du 3e siècle, l'Empire romain est divisé en 4 parties, c'est la tétrarchie, parce que tétra en grec ça veut dire 4, et puis archi, archia, ça évoque le pouvoir. L'enseignant rappelle qu'il était d'usage de se tutoyer dans l'Empire romain. « Salut César, comment tu vas ?» Alors, pour montrer l'unité de l'Empire, divisé en 4, on s'adresse dans le même temps à tous les Césars. On dit « vous ». Et c'est de là que serait né le vouvoiement. Il y a des étincelles dans les yeux des élèves. Oh, peut-être pas de tous les élèves, mais de quelques-uns. Et ça suffit à faire son bonheur. Le professeur a donné son cours. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, histoire d'empire, Venise, c'est pas la taille qui compte, olives et tartiflettes, Nice et la Savoie deviennent françaises, ou encore ça se chauffe à Fashoda, des émissions à écouter ou podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Constantin, l'empire contre-attaque, oui, Constantin qui réorganise ou qui organise territorialement l'empire romain. Avec nous aujourd'hui, Catherine Saliou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Vous avez, là récemment, dans la très belle collection que propose Belin sur les mondes anciens, publié le Proche-Orient de Pompée à Muhammad, du 1er siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ. L'importance de l'étude du latin, du grec, de l'antiquité. Je le dis d'ailleurs, que vous êtes agrégé de grammaire aussi, donc importance de la langue. Faut le rappeler sans cesse, hein, le retour à l'antique est nécessaire pour former l'univers historique des élèves. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire de dire que le recours à l'antique est nécessaire pour former l'esprit des élèves? C'est la question du regard éloigné, hein, c'est-à-dire que plus finalement on est éloigné d'une culture, plus on peut la regarder de façon objective, et cette objectivation permet, par contre-coup, en réaction, de s'objectiver soi-même dans sa propre société. Donc là, évidemment, c'est un des intérêts de l'étude de l'Antiquité, je pense. Et puis avec cet héritage, hein, sans cesse rappelé, nous le voyons, ne serait-ce qu'autour de nous, hein, quand nous nous déplaçons en France, ou même en lisant, en regardant l'actualité. Et ce moment Constantin va nous intéresser aujourd'hui, avec également dans le cours de l'histoire, John Shedd, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes historien, archéologue de l'Antiquité, professeur émérite au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. John Shedd, vous avez récemment publié aux éditions Passé Composé, avec Nicolas Guillera, une infographie de la Rome antique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet qui est étonnant, hein? Oui, c'est une mode actuelle qui se diffuse, on le voit dans les journaux, on a tous les jours dans nos quotidiens des infographies, plus ou moins réussies d'ailleurs, c'est souvent difficile à comprendre, mais quand elle est réussie, elle expose par une sorte de schéma dessiné très clairement une institution, un événement, la structure sociale, tout ce que vous voulez, ou des données économiques. C'est une façon de résumer en schéma ce genre de choses. Il y a déjà eu des infographies sur des événements pointus, comme la Deuxième Guerre mondiale, enfin pointus, qui tiennent dans 5 ans. Mais là, le défi, c'était de le faire sur une période de carrément 1000 ans, à peu près. Et encore, on a coupé. Oui, parce que là, c'est un ouvrage très riche, infographie de la Rome antique, je sais pas, c'est composé, parce qu'il y a donc cette lecture de l'Empire romain à partir de schémas. L'Empire romain, il faut rappeler, c'est un empire millénaire, c'est une période très très longue. Cette période très longue est souvent réduite à des schémas, et ces schémas-là, il faut non pas les détruire, ils sont vraiment importants, mais il faut les nuancer. Eh bien, justement, je vous propose, dans ce petit regard que l'on peut porter sur l'Empire romain, le texte d'ouverture donné au film italien d'Amerigo Anton. Ce film, c'est Jules César, empereur de la Gaule, un film de 1962 qui donne une présentation qui est l'amorce de ce cours de l'histoire. Rome triomphait partout. Les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. Sa puissance défiait les siècles. Et l'on disait que lorsque Rome disparaîtrait, le monde cesserait d'exister. Rome triomphait partout. Alors, tout de suite, la question que nous nous posons est comment Rome a pu triompher ? Parce que Rome ne triomphe pas justement par ses armées, par ses légions qui avancent. Il y a une réflexion à nous poser sur cet empire romain. Comment peut-on expliquer que l'empire romain, aussi vaste et aussi divers par les populations qu'il comprend, ait pu rester uni aussi longtemps ? Catherine Salio, quels sont les éléments qui vous semblent nécessaires à retenir pour comprendre cette unité de l'empire romain ? Alors, ils sont nombreux, hein, ces éléments. Je dirais d'une part qu'il y a une organisation administrative, enfin un système de gouvernement, hein, qui permet le gouvernement des provinces. Alors, pour le dire rapidement, jusqu'à Dioclétien, donc jusqu'à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, il y a Rome, l'Italie, qui n'est pas une province, qui sera provincialisée par Dioclétien, donc, et le reste de l'Empire, hein, donc, en gros, de l'océan Atlantique jusqu'à la Mésopotamie, et donc de l'Angleterre jusqu'aux franges du Sahara, le reste de l'Empire est organisé en territoires que l'on appelle les provinces, qui sont confiées, enfin dont l'administration est confiée à des gouverneurs envoyés par Rome, si vous voulez, par le pouvoir central. Si on veut aller un peu plus dans le détail, il y a deux catégories de provinces, des provinces dont, disons, pour lesquelles le gouverneur est choisi directement par l'empereur, hein, et d'autres provinces pour lesquelles le gouverneur est choisi, disons, par le Sénat. Catherine Salio, oui. Peut-on dire que c'est cette souplesse, en fait, de regard qui permet que l'Empire romain reste uni alors qu'il y a énormément de diversité, vous nous l'avez dit, hein, ne serait-ce que par la taille, que par les conditions géographiques, que par les populations. Alors, en fait, bon, il faut présenter cette organisation provinciale parce que bon, elle est fondamentale, sinon on ne peut pas comprendre la suite. Mais ça n'est pas du tout la seule raison qui explique le maintien d'une forme d'unité de l'Empire romain. Alors, cette organisation provinciale facilite les relations entre donc les provinces et les communautés locales au sein des provinces et le centre du pouvoir, d'abord parce que donc les gouverneurs sont envoyés pour une période relativement brève, hein, donc de un an à trois ans, bon, si vous voulez, il y a une succession donc de gouverneurs d'année en année, et les gouverneurs donc correspondent avec le pouvoir impérial et transmettent les correspondances, ce qu'on appelle les pétitions, hein, donc les demandes des collectivités locales et certains des habitants de l'Empire. Alors je parle de collectivités locales, en fait il faut donner toute sa place à l'organisation civique. Donc, alors, il y a certes une partie des territoires de l'Empire qui n'est pas organisée en cité. Bon, ce sont les territoires impériaux, des vastes ensembles ruraux. Bon, très bien, mais l'élément essentiel de l'organisation interne, si vous voulez, de chaque province, ce sont les cités. Hein. Donc les cités qui constituent des collectivités autonomes, dotées de leur propre budget et animées par leur propre vie politique intérieure. Et puis alors un élément extrêmement... Excusez-moi, je m'interromps. Donc, chacune de ces cités a sa propre organisation. Mais en fait, cette organisation répond toujours au même principe. Donc, corps civique, conseil de la cité et magistrat. Hein, et il y a une homogénéisation, disons, progressive qui fait que dans chaque cité, il y a à peu près les mêmes magistrats, si vous voulez. Alors, trois autres éléments extrêmement importants, c'est que la citoyenneté romaine se diffuse à l'intérieur de l'Empire de différentes façons. Il faut mentionner, puisqu'on en est aussi cité, le droit latin. Le droit latin permet un magistrat d'une collectivité de droit latin, justement, d'obtenir la citoyenneté romaine une fois qu'il a exercé une magistrature dans sa cité, vous voyez ? Ce qui veut dire que dans les collectivités de droit latin, les élites, hein, les personnes qui accèdent aux charges, obtiennent la citoyenneté romaine et la transmettent à leurs descendants. Hein. Catherine Saliou, donc, je vois se construire ce panorama d'un immense empire fait de cités reliées par des routes, et vous nous avez évoqué l'importance des correspondances. Donc ça veut dire que les routes fonctionnent, ce qui est important aussi. Et puis, cette citoyenneté, cette possibilité d'accéder à la citoyenneté romaine quand l'on occupe des charges. Dans ce panorama, je voudrais que l'on rajoute la religion. John Shedd, la religion, ça... Vous êtes un grand spécialiste de la religion romaine. Vous avez écrit « Qu'en faire, c'est croire les rites sacrificiels des Romains et les dieux, l'État et l'individu, réflexion sur la religion civique à Rome ». Quelle est la part de la religion dans cette unité de l'Empire romain ? Moi, j'ai ce schéma dans la tête que les Romains, ils sont très souples également avec les religions d'ailleurs, du moment que l'on sacrifie à l'empereur et aux dieux romains et que on les assimile les uns les autres, globalement, tout va bien. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, les Romains admettaient deux choses, c'est que chaque communauté devait avoir une religion. Ce qui était dangereux, c'est de ne pas en avoir. Et un des petits problèmes, ou gros problèmes que les chrétiens ont pu susciter, c'est que l'impression qu'ils donnaient, en s'abstenant de tout contact avec les autres religions, de ne pas en avoir et de ne pas être visible de ce point de vue-là. Ça, c'était condamnable. Mais pour le reste, tout le monde était censé avoir sa religion. Et nul n'était le besoin de vénérer les dieux romains. Les Romains ne convertissaient personne, ils n'imposaient pas leurs dieux. Si quelqu'un était citoyen romain, même s'il habitait en Mésopotamie ou en Roumanie, il avait deux religions, si vous voulez. Une en tant que citoyen de Rome, au bord du Tibre, et puis une autre de sa cité-État d'origine, où il était né, où il était inscrit, d'ailleurs même comme Romain, etc. Et on attendait qu'il remplisse d'abord ses devoirs religieux sur place, dans sa cité, et puis, ma foi, s'il arrivait à Rome, il était normalement admis, il pouvait même sacrifier sans problème ou participer sans problème à une fête romaine, puisque c'était aussi sa religion. On est en régime polythéiste, il n'y a aucune raison de ne pas adorer une divinité avec laquelle on est en relation, ou les divinités d'une communauté avec laquelle on est en relation. John Chad... Et les Romains étaient si souples, comme vous dites, de ce point de vue-là, que par exemple, les communautés juives n'ont eu aucun problème. Elles ont eu le privilège, progressivement, et en tout cas à partir de César, de pratiquer leur religion, qui était quand même orientée sur un centre, Jérusalem. Et même les deux guerres qui ont fini par détruire le royaume de Judée et le temple et les fondements même antiques de cette religion, ils l'ont transformé, n'ont rien changé, parce que quelques années après, les communautés juives étaient de nouveau florissantes à Rome et dans les cités de l'Empire. Donc il n'y avait aucune obligation comme chez nous. Enfin, ça, on ne convertissait pas, on n'obligeait pas. L'empereur, si votre cité faisait un sacrifice pour l'empereur, parce qu'on ne vénérait pas l'empereur, c'est une erreur courante. Dans le monde latin, latinophone, disons, très romain, on vénère le génie de l'empereur, qui est la personnalité divine de quelqu'un, comme tous les maîtres, les chefs de maison, toutes les mères de famille, tout le monde a un génie. Et donc, faire cela pour l'empereur, ce n'est pas choquant en soi. Le fait est que tout le monde le fasse le même jour ou solennellement. Ça a pu choquer certains, puisque c'était mettre quelqu'un un peu plus haut que les autres sénateurs. Et alors, John Shedd, il y a ce problème des chrétiens au IIIe siècle, parce que dans ce panorama que vous nous dressez, arrivent donc les chrétiens qui posent un véritable problème avec leur monothéisme, et ça pose un vrai souci, leur refus de sacrifier à l'empereur, c'est-à-dire de vénérer l'empereur. Et là, le problème du IIIe siècle est bien présent, parce que nous cherchons aujourd'hui dans le cours de l'histoire en quoi l'empereur Constantin est un moment particulier dans l'histoire du monde romain. Et on dresse le panorama, et bien sûr il faut mettre les chrétiens. Donc ces chrétiens posent un véritable souci. Oui, on a beaucoup glosé sur les persécutions, mais je crois que les historiens s'entendent aujourd'hui pour dire qu'il y a eu des pogroms de temps à autre, parce que les chrétiens étaient une tribu un peu particulière et très provocatrice souvent et violente. Pensez à l'apôtre Paul à Smyrne, n'est-ce pas ? C'est assez provocateur, toute cette attitude qui a toujours existé dans le christianisme. Mais en gros, il n'y a pas de persécution jusqu'à la fin du IIIe siècle, à partir de Dèce et au moment des grandes crises avant Constantin. Là, tout le monde était citoyen romain à l'époque. Hein. Il y a 40 millions de citoyens romains dans la Méditerranée à l'époque, ce qui est presque tous les hommes libres de la Méditerranée depuis 212. Et c'est une chose inouïe. Hein. La citoyenneté dans les cités antiques ne se partageait pas. Hein. Athènes, par exemple, était extrêmement avare de la citoyenneté. Les Romains, ils se sont toujours considérés comme étant à la tête d'une alliance. Donc tout le monde était citoyen, leurs alliés d'ailleurs, au départ. Et à ce moment-là, dans cette grande crise, on demandait souvent de faire des vœux ou des sacrifices pour le salut de l'Empire et de l'Empereur. Pas seulement de l'Empereur, hein. Et surtout pas à l'Empereur. Et les magistrats recevaient des plaintes parce qu'un certain nombre de gens ne faisaient pas cela. Il y avait des dénonciations, il y avait même des ordres donnés à tout le monde, et ça finissait par arriver devant les gouverneurs, qui étaient les juges d'assises, et avec des provocations, et ça se terminait souvent mal. Et là, il y a vraiment eu des périodes de persécution qui étaient souvent... non pas dû aux croyances mêmes des Romains, puisque leur mentalité, comme celle de la plupart des autres habitants des cités antiques, en pays grec comme en pays latin, était une sorte de ritualisme qui laissait les opinions sur la religion en dehors de la religion. On pratiquait la tradition des ancêtres. Avec cette idée que, donc, nous l'entendons bien, l'Empire romain est ouvert à la citoyenneté, en tout cas au IIIe siècle, après l'édit de 212. Et puis, en union de la culture romaine, il y a cette notion de civilisation, la civilisation romaine. Ah là là, les aqueducs romains, mais quel bonheur. Et les aqueducs ? C'est vous qui les avez fait, les aqueducs, peut-être ? Ah, mais vous n'allez pas nous les sortir à chaque fois, vos aqueducs. N'empêche que chez nous, on sait construire, quoi. Les aqueducs, c'est quand même un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée. Enfin, je dis ça, je dis tout. Non, mais Kaamelott, c'est de la merde séchée, peut-être ? Hein ? Kaamelott, c'est vrai que c'est pas mal foutu. Pas mal foutu, tout en pierre d'Irlande. Une merveille ! Bon, c'est tout carré, y a pas une colonne. Quand on veut faire un petit peu cossu, deux, trois colonnes, c'est quand même pas compliqué, hein? Ça m'étonne. Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqués aux Grecs, hein? Alors attention, me lancez pas là-dessus, parce qu'après, vous savez que ça finit mal. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Ah bah si, y a les costards. Ah, si. Ah, ouais. Les petites jupes étrouses avec les lamelles métalliques, ça c'est romain. Mais j'ai toujours dit que je supportais pas les jupes. Mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, mais ça impressionne, hein, ouais. Ça impressionne. Ah non, les Ostrogoths, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non, hein? Centurion Caius Camillus. Ah, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes un peuple fédéré, normalement, vous me devez le respect. Mais on vous respecte, ça va, on est mort de trouille, ça vous va? C'est bon, mangez là, ça va être froid. Ah tiens, j'ai un petit pancréas de biche au pruneau dans mon char, ça vous tente? Voilà, un extrait du sublime Kaamelott qui évoque cette rencontre culturelle entre l'Empire romain et ceux considérés comme barbares. Mais non, en fait, ce sont des peuples dominés. Catherine Saliou, je voudrais que nous évoquions ce moment particulier de cette fin du IIIe siècle où l'Empire se divise. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui parce que nous avons un schéma classique d'un empire avec un empereur qui est à Rome. En fait, le monde est tellement divisé. Nous avons entendu parler de l'importance des tensions avec les chrétiens, mais il n'y a pas que ça. Il y a des mouvements de population. À la fin du IIIe siècle, l'Empire se divise. Oui, alors... Dioclétien, dont j'ai déjà prononcé le nom, décide d'une réforme, en fait. Alors, disons que dans le courant du IIIe siècle, l'Empire a été caractérisé par une instabilité politique, hein, et aucune dynastie n'a réussi à s'installer, à la tête de l'Empire de façon durable. Et sur un certain nombre de fronts, hein, disons, l'Empire s'est trouvé en difficulté militaire. Et donc, les empereurs du IIIe siècle circulent énormément, hein, et de façon à se porter au combat, enfin, et défendre l'Empire. Et donc, Dioclétien décide de réorganiser l'Empire en partageant l'Empire en quatre parties, en confiant donc chacune de ces parties à un membre d'un collège de quatre co-empereurs, donc deux Augustes et deux Césars. L'idée étant à la fois de favoriser la défense et la bonne administration de l'Empire en répartissant la tâche, tout simplement, en fonctionnant de façon collégiale, bon, très à la mode de nos jours. Bon. Et aussi, et ça c'est un petit peu utopique de sa part, de faciliter justement l'évolution et la succession, puisque l'idée que le collège est hiérarchisé et que chaque Auguste va céder la place à son César, qui lui-même, devenant Auguste, nommera un César, et ainsi de suite. Bon. Et en fait, cette tétrarchie, hein, vous avez prononcé le nom, éclate très rapidement. Donc, en 305, Dioclétien et son collègue volontairement se retirent du pouvoir pour laisser leur César devenir Auguste, enfin, et que le système commence à fonctionner. Et le système éclate tout de suite, puisque... Donc le fils de Constance Chlore, donc qui est l'un des Césars devenu Auguste, donc le fils de Constance Chlore qui est Constantin, à la mort de son père décide que c'est lui qui va succéder à son père et c'est tout. Voilà. Constance Chlore, il nous intéresse hein, parce que c'est lui qui s'occupe de la partie où se trouve la France d'aujourd'hui. Et justement, Catherine Saliou, je vous pose la question de but en blanc. Mais que vient faire Constantin dans cette histoire? Donc, il est le fils d'un des quatre qui organise l'Empire. Et lui, il a pour ambition, dans cet empire divisé mais malgré tout toujours uni, en fait, de réunir le pouvoir après de longues luttes, parce que l'empire est encore extrêmement tiraillé. Ah, c'est-à-dire que, si vous voulez, à partir de 306 commence une période de 20 ans de guerre civile, en fait, hein, puisque Constantin va progressivement donc l'emporter sur... Enfin, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a des alliances politiques, des mariages, hein, et puis aussi des combats, des conflits, des véritables épisodes de véritables guerres civiles. Hein, voilà, qui donc se termine avec la victoire finale contre Licinius, qui... se trouve en Orient, enfin qui occupe l'Orient, et donc là, en 324, et ça c'est la réunification donc de l'Empire dans les mains de Constantin. Auparavant, je suppose que c'est là que vous m'attendez. Allez-y. Il y a la bataille du pont Milvius en 312 après Jésus-Christ, où Constantin aurait eu cette vision, tu vaincras par ce signe, hein, et alors la bataille du pont Milvius est une... C'est un épisode d'un conflit de guerre civile, hein, c'est la bataille qui va permettre à Constantin de gagner Rome, en fait, hein, voilà, de l'emporter sur son compétiteur et de s'installer à Rome, de gagner Rome. Et voilà. Et donc il remporte la victoire et ça correspondrait au moment de sa conversion. Voilà, parce qu'il a vu ce signe dans le ciel, ce qu'on appelle le chrisme, donc un signe chrétien, et il s'est dit, oh, moi je m'en remets au Dieu des chrétiens, c'est lui qui va me faire gagner. Bien sûr, nous sommes tributaires de cette lecture postérieure, écrite souvent par des chrétiens, qui disent, mais oui, ça ne pouvait être que ça, c'est la conversion de Constantin. En tout cas, il y a une proximité de Constantin, ou une réflexion avec le monde chrétien. John Shedd, il faut replacer Constantin dans cet univers d'empire qui est divisé, tiraillé, avec plein de prétendants, et une réflexion sur que sont les chrétiens dans cet empire. Oui, Constantin, pour nous, c'est un traître. Hein. Mais en fait, il a agi de façon très traditionnelle, parce qu'il était conventionnel à Rome que quand un consul, un empereur, un César, n'importe qui, se trouvait en guerre... à la tête d'une armée, et qu'il affrontait un moment difficile, une bataille à prévoir, ou au cours d'une bataille, il faisait un vœu. Il vouait, par exemple, un temple à telle ou telle divinité, qui était souvent sa divinité de guerre. Vespasien et Titus, par exemple, c'était les dieux d'Alexandrie qu'il avait acclamés d'abord, Isis et Sérapis. Et il a créé le grand temple d'Isis au champ de Mars à Rome. C'est à lui que remonte la dévotion publique d'État à Isis à Rome. Donc Constantin, il a choisi, on a parlé beaucoup d'Apollon, mais il a choisi le Christ. Et le lendemain de sa victoire, il a donc lancé des réformes où il a fait progressivement et très rapidement du christianisme un culte licite. Le culte pouvait être pratiqué ouvertement, donc plus de persécution, avant que les chrétiens ne commencent à persécuter les leurs, hein, et les païens. Ça c'est vrai que c'est la lecture qu'il faut systématiquement poursuivre, hein, John Shedd. Donc ça y est, Constantin gagne les victoires, ça y est, Constantin autorise le culte chrétien, donc ce n'est pas la religion officielle de l'Empire, il faut encore attendre longtemps, il faut attendre Théodose, mais ça y est, les chrétiens ont le droit de pratiquer leur culte. Et puis il y a ce moment magique où la capitale est déplacée. Alors non, Rome ne change pas, c'est-à-dire il y a Rome qui reste toujours Rome, et puis il y a une nouvelle capitale, un nouveau centre, donnons-lui le nom de l'empereur, c'est Constantinople. Je vous propose d'écouter The Might Be Giants qui chante Istanbul, not Constantinople. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York. York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Now Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Zemay Bijay, Istanbul, notre Constantinople, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, le cours de l'histoire qui s'intéresse à Constantin et la réorganisation de l'Empire romain. Oui, car c'est un point du chapitre d'histoire pour le programme de seconde, et puis juste parce que c'est passionnant, disons-le tout simplement. Justement, Catherine Saliou, dans cette lecture de l'Empire romain, Constantin, nous l'entendons, quand nous vous évoquons tout de suite ce nom, nous porte à Constantinople. Rappelons la place de Constantinople. Il n'y a pas la volonté, en fait, de créer une nouvelle Rome. C'est juste une pensée à ce moment-là de réorganiser l'Empire en changeant la capitale et en allant là où est la Turquie actuelle. Alors, oui et non. Hein. Alors, donc, quand Dioclétien a créé la tétrarchie, se sont développées ce qu'on a appelé les capitales tétrarchiques. Hein, c'est-à-dire que chacun des co-empereurs avait sa propre capitale. Ce qui fait que entre l'extrême fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle, il y a eu une multiplication de capitales, hein, de toutes les façons. Donc, Rome reste la ville la plus prestigieuse, mais en réalité, elle est très très loin d'être la seule capitale. Alors lorsque Constantin fonde Constantinople, ça n'est en quelque sorte qu'une capitale de plus. Vous voyez hein, ce que l'on peut dire. Et les empereurs du IVe siècle ne résideront pas toujours à Constantinople. Hein. Certains empereurs passeront plus de temps à Antioche, par exemple, qu'à Constantinople. Donc Antioche, qui était à l'époque la capitale de la Syrie, si vous voulez. Hein. Mais le fait est qu'il y a une fondation extrêmement solennelle. Alors le fait est aussi que Constantin n'est pas le premier empereur, loin de là, hein, à donner son nom à une cité, hein, à une ville. On peut mentionner par exemple Philippopolis, hein, voilà, donc l'empereur Philippe avait donné son nom à son village natal, en fait, à qui il avait donné le statut de cité, hein, quelque part dans la province d'Arabie. Mais donc, volonté de créer une ville importante à son nom, qui sera une nouvelle capitale, et qui va devenir effectivement la capitale de l'Empire romain d'Orient, hein, à partir du moment où l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident seront séparés, si vous voulez. Et puis une capitale qui, évidemment, marque les esprits. Les contemporains de ce début du IVe siècle constatent qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, ça reste dans les mémoires. Je vous propose d'écouter ce que disait l'historien en langue grecque Sozomen, qui rédige une histoire ecclésiastique, histoire de l'Église chrétienne. Alors voilà, évidemment, Constantin magnifié comme premier empereur chrétien. C'est une lecture qui nous est faite aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Daniel Königsberg. Après avoir terminé les guerres étrangères, il se résolut à fonder une ville qui porta son nom et qui ne fut pas moins célèbre que Rome. Suivant les ordres de Dieu, il augmenta l'enceinte de la ville de Byzance. Il fit bâtir quantité de belles maisons et, Parce qu'il n'y avait pas assez d'habitants pour la remplir, il en fit chercher dans les plus grandes villes de l'Empire, à Rome, comme dans les provinces. Il leva des impôts pour financer les ornements de la ville et la nourriture du peuple. Il construisit un hippodrome, des fontaines, des galeries, et l'appela Constantinople et Nouvelle Rome. Il y créa un Sénat égal à celui de Rome et attribua à ses habitants les mêmes honneurs et les mêmes privilèges que ceux dont jouissent les Romains. Daniel Koenigsberg qui nous lisait un extrait de Sozomène, donc qui écrit un peu plus tard son histoire ecclésiastique. Catherine Saliou, quelle réaction sur cette lecture tardive avec un Constantin chrétien qui fait une nouvelle Rome? Ah ben c'est un très beau texte qui mériterait d'être commenté dans le détail, hein, qui est extrêmement riche. Donc Sozomène, effectivement, écrit son histoire ecclésiastique à peu près au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ. Il est originaire de Gaza, en fait. Hein, voilà, c'est un grand auteur extrêmement attachant, hein, si vous voulez. Donc, effectivement... Constantin dit Sozomène crée un Sénat. Alors c'est vrai que beaucoup de récits de fondation Constantinople par Constantin mentionnent cette création d'un Sénat, voire de deux Sénats ou de deux édifices ou espaces qui vont être appelés Sénats. Il faut savoir cependant que ce Sénat, on le perçoit réellement, il est réellement, comment dire, empli de sénateurs, si on peut dire. Enfin, les recrutements des sénateurs se fait surtout sous le règne de son fils, hein, du fils de Constantin, Constance II. Hein. Mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sozomène mentionne également les mesures prises pour assurer la nonne aux citoyens, enfin aux habitants de Constantinople, hein, ou au moins d'une partie d'entre eux. Hein, c'est effectivement quelque chose, une mesure importante et qui fait de Constantinople, qui confère à Constantinople un statut particulier et à ses habitants un statut privilégié. Et puis, ce que nous n'avions pas dit auparavant et ce que rappelle très bien Sozomène, qui lui était un très grand pédagogue, je pense un grand historien, effectivement, en réalité cette fondation est une refondation puisque Byzance est une antique cité grecque extrêmement importante, hein, et qui a donc... était une cité importante durant toute la période impériale romaine et qui est située, alors ce que Sozomène ne dit pas, mais enfin c'est l'occasion de le rappeler, hein, donc à un emplacement tout à fait stratégique, donc entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, si vous voulez. Jeune Chède, Catherine Saliou nous évoque la place de Constantinople dans l'Empire romain. Vous êtes l'auteur, hein, Jeune Chède, d'infographie de la Rome antique publiée chez Passé Composé. Donc énormément de schémas, d'organigrammes, de cartes évidemment, parce que faire de l'histoire, c'est utiliser les cartes. Il y a des moments plus complexes que d'autres pour expliquer l'Empire romain. Les premiers siècles de l'Empire romain peuvent être expliqués de manière simple. Mais alors que ça ne l'est pas, hein, mais j'évoque ça pour une présentation générale. Quand nous arrivons à ce moment de Constantin, nous sortons d'une période vraiment troublée. Et Constantin, j'ai envie de dire, peut rassurer les contemporains, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, en disant que l'Empire a retrouvé une forme de sérénité. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous me corrigez, Jeune Chède? Non, je pense que c'était toute la tétrarchie et puis surtout Constantin, quand il réunifie l'Empire, a dû faire respirer un peu les gens et ils avaient l'impression que ça allait mieux parce que parallèlement à tout ça, on a réformé aussi l'armée romaine qui était toujours l'armée romaine du 1er siècle de notre ère et même d'avant qui était très stationnaire et il y en avait très peu de légions et donc... en Occident une énorme frontière le long du Danube et du Rhin qui n'arrivait absolument pas à garder et à protéger. Donc, en créant une armée beaucoup plus mobile et qui était capable d'intervenir partout où il y avait des foyers de violence et d'invasion, a rassuré tout le monde dans un premier temps. Et ça a donné... au moins chez moi, en Occident, ça a donné un siècle de relative stabilité. Constantinople, bon, ça a été suivi avec intérêt par tout le monde, je crois. Mais est-ce qu'il y avait une pensée à longue vue de Constantin et de ses compagnons? C'est possible, mais ils se sont en fait, ils ont créé une capitale future et déjà qui avait ce statut dans la partie la plus riche de l'Empire, la plus vieille aussi, puisqu'il y avait des très vieilles cités, et aussi la plus facile à défendre contre les barbares, parce qu'il n'y avait pas dans cette partie de l'Empire la même pression, bon, sur le Danube, sur en Mésopotamie, il y avait effectivement une pression d'un royaume voisin, les Parthes, mais à part cela, ce n'est pas comme dans le Nord où de Hongrie, etc., poussaient les Huns qui, devant eux, poussaient toute une série de peuples germains, barbares qui, peu à peu, se déversaient dans l'Empire et auxquels l'armée romaine n'était pas capable à l'époque de résister. Et à partir du IIIe siècle, ils avaient des gros problèmes pour les retenir. Et puis nous connaissons en fuite ce qui s'est passé. Nous avons cette chance-là de savoir que ces déplacements de population ont conduit à un affaiblissement de l'Empire romain. Alors, longtemps on appelait ça les invasions barbares. Aujourd'hui, il n'est plus d'usage d'utiliser ce terme parce qu'il est faux. Mais malgré tout, si nous nous plaçons à la fin du IIIe siècle, au IVe siècle, l'Empire romain imagine se poursuivre comme cela était auparavant et peut-être de manière plus glorieuse encore. Tiens, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur les fouilles archéologiques à Volubilis. Ça se trouve aujourd'hui au Maroc. C'est dans les archives des actualités françaises en mars 1946 que l'on évoque cette cité du IIIe siècle après Jésus-Christ. La vraie paix, il faut croire vraiment qu'on y arrive, puisqu'à Volubilis, cette ville romaine dressée en plein Maroc, les missions scientifiques ont repris leurs fouilles, arrêtées en 1939. Déjà, la cité au nom poétique a livré à la pioche des chercheurs de nouvelles richesses archéologiques. Volubilis, enfouie depuis 2000 ans dans les sables, garde encore intouchée les deux tiers de sa superficie. Dans ce monde perdu où reparaissent au jour les mosaïques précieuses et les statues éternellement belles, quels secrets dorment encore? Au cœur de la ville morte, sommeille peut-être le secret de la vraie paix. Les secrets de la vraie paix dans les actualités françaises en 1946, quand il est question de Volubilis. Et là vient cette idée de paix romaine, de Pax Romana. Catherine Saliou, est-ce que cette Pax Romana est une construction intellectuelle, une paix romaine, ou est-ce qu'il s'agit d'une vérité qu'il y a eu? Peut-être pas de manière complètement efficace, mais en tout cas comme un vent de paix qui a soufflé sur le bassin méditerranéen. Oui, enfin là plutôt au IIe siècle après Jésus-Christ. Hein, ça n'est pas qu'une construction intellectuelle moderne ou contemporaine, hein, puisque un orateur hellénophone du IIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelait Élius Aristide et qui a prononcé à Rome en 144 après Jésus-Christ un éloge de Rome, en fait fait l'éloge de cette paix justement qui caractérise l'ensemble des territoires gouvernés à partir de Rome, si vous voulez, l'ensemble de l'Empire romain. Donc c'est quelque chose qui a correspondu. Alors évidemment, Élius Aristide fait l'éloge, hein, c'est un discours d'éloge. Hein. Mais cela dit, il y a effectivement eu des périodes, enfin, notamment au IIe siècle après Jésus-Christ, de longues périodes de paix ou alors d'expansion, hein, donc de victoire. Et puis même dans les périodes les plus troublées, y compris ce fameux IIIe siècle, en réalité il y a des régions entières qui étaient extrêmement prospères, hein, si vous voulez. Et puis il y a quelque chose dont il faut toujours se méfier, en particulier quand on fait de l'histoire ancienne, c'est que voilà, on a tendance à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire dévaler, galoper à travers les siècles, hein, mais une génération, surtout dans l'Antiquité, ça dure au maximum 60 ans. Hein, donc voilà, on n'était pas là où nous voyons des conflits. En fait, concrètement, pour les vivants, ça fait un ou deux conflits, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très important, vous avez raison, Catherine Saliou, de rapporter l'histoire romaine à l'échelle d'une vie, d'une existence. Et d'ailleurs, le point du programme qui nous intéresse, c'est Constantin, empereur d'un empire qui se christianise et se réorganise territorialement. Et là, nous sommes à une échelle d'homme. Nous sommes à une échelle d'homme avec une attention portée à l'homme. La personnalité de Constantin est essentielle pour comprendre ce phénomène qui a permis peut-être à l'empire de se maintenir territorialement. C'est dur comme question. On a beaucoup. Je vous pose la question parce qu'on a beaucoup avancé par une lecture tardive, la conversion de Constantin, son intérêt pour les chrétiens, sa volonté de pas voir les gens se massacrer. Et puis il y a l'autre lecture de dire tout ça n'est que manipulation. Ni l'un ni l'autre. Constantin a hérité. Si je puis dire, d'un empire, d'une organisation, et il a hérité aussi d'une réorganisation antérieure, car Dioclétien n'a pas fait que imaginer ce système de la tétrarchie, mais il a eu une œuvre réformatrice extrêmement importante, et notamment, ce qu'il faut bien comprendre en ce qui concerne l'organisation des territoires, c'est que Dioclétien avait démultiplié le nombre des provinces, enfin réduit la dimension de chaque province, et donc multiplié le nombre des provinces, de façon à faire en sorte que, justement, les gouverneurs soient au plus près des préoccupations des administrés, puisque, comme l'a rappelé John Scheid, l'une des fonctions essentielles des gouverneurs, c'était de rendre la justice, et donc cette subdivision, si vous voulez, des provinces permettait au gouverneur de rendre la justice plus facilement et plus rapidement. Donc Constantin se trouve déjà à la tête d'un empire dont la réorganisation a déjà commencé. On a longtemps attribué à Dioclétien, mais il semble qu'il faille plutôt attribuer cette innovation à Constantin et à ses co-empereurs, disons entre 310 et 314, puisque la première attestation c'est 314. Eh bien, donc c'est le système des diocèses, c'est-à-dire que ces provinces réduites sont regroupées en ensembles territoriaux plus vaste, que l'on désigne par le nom de diocèse. Alors, c'est un faux ami, ça. Ça a été repris diocèse, ensuite. C'est vraiment un terme de l'administration civile. Donc, à la tête de chaque diocèse se trouve un personnage qui est en fait un super gouverneur, bon, qu'on appelle vicaire des préfets du prétoire, mais ça, c'est peut-être, il faut comprendre que c'est un super gouverneur. Et si vous voulez, on a ainsi une organisation à plusieurs degrés qui facilite le. Justement, la répartition de l'information, l'exécution des consignes, si on peut dire, la remontée des informations aussi, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis donc, Constantin, empereur d'un empire christianise, où il se christianise, l'édit de Milan, et puis possibilité pour les chrétiens de pratiquer leur culte, ça c'est validé, et vous nous l'avez dit Catherine Saliou, un empire qui se réorganise territorialement, mais à lire sur un temps plus long. Merci beaucoup à vous de nous avoir parlé de Constantin. Je rappelle votre ouvrage Le Proche-Orient dans la collection Mondes Anciens chez Belin, et merci beaucoup à vous John Shed. Je rappelle, l'infographie de la Rome antique, c'est chez Passé Composé. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le récit historique, un sujet sensible de part et d'autre de l'Atlantique. La campagne présidentielle américaine se transforme en bataille de dates. La question qui fâche, l'histoire américaine commence-t-elle en 1776, date de l'adoption par le Congrès de la Déclaration d'indépendance des 13 colonies, ou en 1619, l'année où les premiers esclaves sont installés sur le sol américain? Un siècle et demi d'écart et deux événements qui changent profondément le projet de civilisation originelle, difficilement compatible avec le rêve américain. Courrier International relaie un article du Financial Times de Londres signé Gideon Rachman sur ce débat qui voit confirmer l'histoire dans son usage en tant qu'arme politique. Mi-septembre, Donald Trump a annoncé la création prochaine d'une commission 1776 afin de, je cite, « rétablir l'instruction patriotique dans les écoles pour restaurer une image des États-Unis qu'il considère attaquée par les demandes de prise en compte de leur passé esclavagiste ». Sa cible, le projet 1619, une initiative du New York Times, publiée en série, qui établit l'arrivée des premiers esclaves noirs sur le sol nord-américain, plus précisément en Virginie, comme la date inaugurale de la Fédération nord-américaine. Un projet violemment rejeté par le président qui, avec sa délicatesse coutumière, compare cette interprétation de l'histoire à une opération de maltraitance infantile. This is offensive and outrageous to Americans of every ethnicity, and it's especially harmful to children of minority backgrounds who should be uplifted, not disparaged. Teaching this horrible doctrine to our children is a form of child abuse. Le projet 1619, lancé en 2019 à l'occasion du 400e anniversaire du début de la pratique de l'esclavage aux États-Unis, a rencontré un succès avéré. De nombreuses écoles et universités ont intégré son contenu à leur programme. D'après Gideon Rachman, son contenu explosif aurait contribué au mouvement de dénonciation de l'ordre racial au cours des derniers mois. Cette thèse, portée notamment par la journaliste Nicole Anna Jones, qui signe l'essai d'introduction du projet 1619, a également rencontré des objections du côté de la gauche politique. Dans une lettre ouverte adressée au New York Times, des historiens proches du World Socialist Website contestent la théorie selon laquelle, je cite à nouveau, « la révolution américaine aurait avant tout eu pour mobile la volonté de préserver l'esclavage aux États-Unis à une époque où il était de plus en plus dénoncé en Grande-Bretagne. L'esclavage n'aurait été qu'un moyen, mais pas un but en soi. » This year marks the 400th anniversary of the start of American slavery. It was on August 20th, 1619, when the first ship carrying enslaved Africans arrived in the British colony of Virginia. The New York Times Magazine commemorated this important date in history with a major initiative called the 1619 Project. Pour Donald Trump, qui passe allègrement au-dessus de la question raciale malgré les manifestations qui se sont multipliées depuis la mort de George Floyd, c'est la liberté qui devrait être enseignée comme valeur essentielle et fondatrice de la nation. L'indépendance des colonies britanniques américaines, traditionnellement admise comme date fondatrice de l'histoire des États-Unis, incarnerait la liberté de se gouverner, de commercer et d'établir son propre rapport au monde sans la tutelle du vieux continent. Une liberté réservée aux Blancs au regard de l'histoire qui interroge aujourd'hui le récit national américain et son imaginaire. Une question essentielle qui n'a pas fini d'occuper le débat public. Effectivement, merci Anaïs qui en retrouve la page du journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vides, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Avec toute l'équipe du cours de l'histoire, nous nous sommes réunis et pour toute la semaine, nous sommes saisis de points des programmes scolaires. Oui, des programmes scolaires, car l'école, c'est là où le savoir et l'esprit critique luttent contre l'obscurantisme. Des émissions à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous partons à Venise. Venise, oui, ce n'est pas la taille qui compte pour faire une grande puissance. Venise, c'est pas bien grand, non ? Et pour nous en parler, Elisabeth Crouzet-Pavant.